ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Léonard de Vinci, génie de la Renaissance et homme universel. Vous savez, c'est très dangereux, Léonard de Vinci, parce que tous ceux qui s'en occupent finissent par délirer. Et il y a même des cas de gens qu'il a fallu, je ne dis pas enfermer, mais enfin, qui ont eu des difficultés mentales parce qu'ils avaient trop médité sur Léonard de Vinci. Léonard de Vinci rend un peu fou. Le génie de Léonard de Vinci rendrait un peu fou ceux qui s'y collent trop, lance en boutade l'historien de l'art André Chastel à l'émission Entretien en novembre 1976. Au-delà de la boutade, l'universalité qu'on prête souvent au génie de Léonard de Vinci s'expliquerait par, bien sûr, son incroyable polyvalence. Il est à la fois peintre, sculpteur, ingénieur, architecte, astronome, inventeur et j'en passe. Mais ce génie-là s'expliquerait aussi par sa capacité à faire cohabiter l'émotion intuitive et la rationalité scientifique. À nouveau, André Chastel. C'est une sensibilité, une nervosité exacerbée. On le voit dans ses notes, on le voit dans ses écrits, on le voit dans tout ça. Il observe des notations dans la nature. Les relations avec les êtres humains sont quelque chose de tendu, de difficile. Et en même temps, il cherche à tout ça une définition mathématique, abstraite, n'est-ce pas ? Il y a donc entre l'extrême sensibilité d'une part et l'extrême intellectualité de l'autre, un désaccord constant. Giacomo, va voir qui nous espionne. Dans son film sur Léonard de Vinci, la Française Ariel Naud nous dépeint un homme secret et solitaire. Son esprit, son génie éclatent dans toutes les directions à la fois, mais il ne réalise que peu de choses. Nous voyons à travers la vie, la reconstruction de la biographie de Léonard, qu'il y a plusieurs choses qu'il ne termine pas, qu'il n'arrive pas à traduire dans un projet concret, et dans le même temps, nous voyons sa réputation toujours croissante. En fait, il voulait écrire une encyclopédie. La peinture l'a rendu célèbre, mais il a très peu peint et ses œuvres demeurent inachevées. Il a disséqué une trentaine de cadavres dans sa vie, sans être médecin, il les méprisait d'ailleurs. Il détestait la guerre et il n'arrêtait pas de proposer des machines de guerre. Je puis construire des catapultes et des engins d'une efficacité étonnante. Ses tanks, ses armes à canons multiples étaient trop en avance pour ce début de 16e siècle. Léonard a aussi voulu voler. Sa machine à voler est construite sur le modèle des oiseaux. Le grand oiseau prendra son premier vol monté sur un grand cygne. Il remplira le monde de stupeur. Il remplira de sa gloire toutes les écritures. Bien sûr, Léonard n'a jamais volé. Et son rêve d'égaler les oiseaux devra encore attendre 400 ans. Ici Gilles Sirois à Montréal. C'est en 1987, au moment de l'exposition « Les fabuleuses machines » de Léonard de Vinci, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal, que Gilles Sirois réalise ce reportage qu'on vient d'entendre. Un reportage qui soulève un certain mystère au sujet de Léonard de Vinci, qui relève aussi quelques contradictions autour de son personnage. Pour s'attaquer à la figure du grand maître, nous recevons aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes de Léonard de Vinci, le peintre et historien de l'art Jacques Franck, qui a consacré de nombreux ouvrages à Léonard de Vinci, que l'on retrouve dans nos studios de Paris. Jacques Franck, bonjour. Bonjour. Comment décririez-vous, vous-même, Jacques Franck, ce génie de Vinci? Il y en a d'autres grandes figures à la Renaissance qui ont ce génie de la polyvalence, mais qu'est-ce qu'il y a d'unique chez Vinci? C'est l'ampleur du don. C'est-à-dire qu'il a une sorte de miracle dans la tête, si vous voulez. Il dépasse tout le monde parce qu'il a un pouvoir analytique et une possibilité d'étendre son analyse à différents secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Oui. Homme total, quand on parle d'homme universel, on en a vraiment l'incarnation parfaite. Sur le plan de l'art, plus spécifiquement, il y a eu cette vente dont on a beaucoup parlé récemment, le marchand d'art Loïc Gouzer qui était derrière cette vente qu'on a dit la vente du tableau le plus cher de l'histoire, le Salvator Mundi, qu'on attribue à Vinci. Il disait, ce marchand d'art, que si Picasso est un immense artiste, Vinci est le plus important de tous les temps. C'est énorme comme affirmation. Allez-vous si loin que ça, vous-même? J'aurais tendance à aller aussi loin que ça. C'est vrai? J'ai une admiration éperdue pour Picasso, qui est vraiment un peintre immense. Mais je pense que Léonard a dépassé le genre, a dépassé la peinture. Il propulse la peinture dans une dimension totalement métaphysique. Donc, au-delà de notre monde et de nos perceptions ordinaires. Ouais. Parlons un peu, on reviendra sur la peinture. Il y a des tableaux, évidemment, la Joconde, que vous connaissez intimement, on y reviendra. Mais un petit mot d'abord sur son parcours, pour revenir ensuite à la peinture. Parlons du jeune Léonard. De fait, on ne quitte pas vraiment la peinture, parce que sa première période, celle dont on va parler, c'est celle de l'atelier de Verrocchio à Florence. C'est là qu'il va s'initier à la sculpture et à la peinture. Quelle importance ça aura pour lui, cet atelier-là, et quel rôle lui-même va jouer à l'atelier de Verrocchio? Il est difficile de le définir historiquement parce qu'on ne sait pas exactement quels furent les rapports. Je pense personnellement, contrairement à un certain nombre d'historiens, qu'il est rentré très tôt dans l'atelier de Verrocchio, vers l'âge de 12 ans, mais il dessinait déjà et il sculptait déjà d'après ce que dit Vasari. Donc au fond, il a fait un parcours qu'il recommence, qu'il perfectionne. Verrocchio est un grand sculpteur, un grand artiste, et lui donne donc toutes les règles pour l'orthodoxie de la représentation, qu'il ne devait pas tout à fait connaître. Mais ses dons sont si prodigieux que très rapidement il s'impose et devient quasiment le maître de l'atelier peinture. Pour le reste, sur l'activité de sculpture, ça n'est pas documenté, mais on pense que c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que c'est l'élève qui a influencé le maître. Ah oui, carrément. Donc déjà, on voit bien l'immense génie auquel on a affaire. Il va quitter cet atelier après quelques années, c'est comme ça que ça se passe à l'époque, vers 1476-1477, il s'installe comme maître indépendant. Il y aura un tableau, un premier tableau important dans les années qui suivent, La Vierge au Rocher. Et puis vers 1482, il s'installe à Milan. Il se met au service du duc Ludovic de Milan. Il va y rester une quinzaine d'années. Ça nous permet, Jacques Franck, de parler un petit peu, parce que c'est ça le parcours de Vinci. Toute sa vie, il sera au service de certains princes, de certains protecteurs, à Milan, chez Ludovic, mais plus tard à Florence, plus tard encore en France. Qu'est-ce qu'il fait auprès de ses princes, auprès de ses protecteurs? Quel est son rôle auprès d'eux? Tout d'abord, la date d'entrée au service de Ludovic le Mort n'est pas tout à fait certaine. On pense qu'il a tenté d'abord de servir le duc en écrivant, mais que ça n'est pas immédiat, pas avant la fin des années 1480, au terme des dernières recherches. Il immédiatement se fait connaître à Milan en réalisant avec les frères des Prédis un magnifique retable qui est La Vierge au Rocher, ouais. Qui est une peinture totalement révolutionnaire pour l'époque. Il est évident que tout ce milieu est proche du duc, qui ne peut qu'entendre parler du prodigieux talent de Léonard. D'ailleurs, il mettra quelques notes à ce propos, disant que Léonard est un des plus grands peintres qu'il ait connu. Et Léonard est un homme à multiples facettes. Il sera un courtisan, il sera un animateur de fêtes, il dessinera des costumes pour les fêtes ou des éléments d'architecture pour les très belles fêtes qui sont données alors par les princes. Ensuite, il aura un rôle d'ingénieur militaire, il aura un rôle d'ingénieur tout court, il aura un rôle d'architecte aussi, par exemple pour la cathédrale de Milan dont on édifie la tribune vers 1490, et très rapidement, il deviendra indispensable au duc. Ouais. Et c'est ce qu'il fera de fait chez lui, chez ce duc et chez les autres qu'il servira beaucoup. C'est à la fois cette organisation, l'organisateur de fêtes et l'apport très concret avec différentes inventions de type génie militaire. C'est durant sa période milanaise chez le duc Ludovic que Vinci réalise cette fameuse fresque, la scène, dans un couvent de Milan. Racontez-nous, Jacques Franck, l'histoire de la scène. L'histoire de la scène n'est pas très, très bien connue. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle fut faite en un temps record. Elle représente 50 mètres carrés. Ce n'est pas une fresque en réalité, c'est une peinture murale. Léonard était incapable de se plier aux règles du buon fresco, c'est-à-dire la réalisation d'une peinture aqueuse, à l'eau, ouais. Qui est peinte sur du plâtre humide et qui sèche immédiatement avec le plâtre. Donc Léonard est quelqu'un de lent au travail et il invente un procédé avec un enduit spécial sur mur qui lui permettra de travailler sur ce mur, sur 50 mètres carrés tout de même, comme s'il peignait sur un panneau de bois. Les contemporains, lorsque cette peinture importante et majestueuse fut terminée, furent tellement surpris par l'effet d'imitation de la nature qui était à ce moment-là absolument sensationnelle, que certains disaient on avait l'impression de pouvoir toucher la table. Et c'est un des objectifs de Léonard. Léonard apporte le désir, en quelque sorte, de faire des représentations en 3D. Et c'est pour ça qu'il va donc s'intéresser à tous les problèmes de l'optique, afin que ça puisse lui servir en vue de représenter des images ayant le plus de relief possible, qui pour lui est l'idéal absolu de la peinture. Il dit d'ailleurs que le plus grand maître des peintres, c'est le miroir. Oui. Donc cette scène, cette fameuse scène, il la réalise donc quand il est chez le duc Ludovic à Milan. Il va devoir quitter le duc Ludovic. Le duc est chassé de Milan par les Français. Vinci connaît à ce moment-là une courte période de flottement. Puis il retourne à Florence vers 1500. Et c'est là qu'il s'attaque à ce qui deviendra son œuvre la plus connue. C'est moi que je suis la Joconde. Je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir, on fait la ronde. Et moi, faut que je me morfonde. La Joconde, la Joconde. Et moi, faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde. La grande Barbara qui chante cette chanson, la Joconde. Que dire de la Joconde, Jacques Franck? Que dire de la Joconde qui n'ait déjà été dit? Écoutez, moi, c'est mon expérience. D'abord, j'ai reconstitué sa technique au terme de 30 ans de travail et de recherche, ce qui peut effectivement expliquer le mot de Chastel dans votre introduction, que ça peut rendre fou. Ouais. C'est d'abord un tableau très peu connu du public parce qu'il est dissimulé par une vitrine et de sécurité qui empêche que vraiment on le voit tel qu'il est dans sa réalité, dans une bonne lumière. Ouais. Donc ça, c'est très dommage pour le public parce que c'est un très, très grand chef-d'œuvre. C'est une peinture d'une technicité absolue, d'une poésie absolue. Et lorsqu'on a vu la Joconde, je dirais même qu'on n'est plus... quelque chose change par rapport à la perception de la peinture. Et vous, évidemment, la connaissez très intimement, cette œuvre. Vous avez eu, vous, la chance de la voir dans des conditions parfaites. Vous l'avez tenue dans vos mains. Parlez-moi de ça. Ça doit être une émotion formidable. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu quand vous aviez cette Joconde dans vos mains? C'est très impressionnant parce que quand on arrive dans cette salle qui est quasiment une salle de bunker, une fois qu'on examine la Joconde, on ferme complètement toute la salle. Les hommes de science sont là pour l'examiner. C'est la raison pour laquelle on la décadre une fois par an avec une autorisation de la préfecture de Paris. Voyez-vous, c'est donc un très grand événement. Oui. Quand je me suis trouvé devant ce tableau qui était simplement mis à plat sur une grande table, exactement comme on examine un malade, j'ai eu du mal à me débarrasser de la vision que j'avais d'elle en photo, pour comprendre que c'était là vraiment la réalité. Bon. Et ensuite, j'ai eu une peur incroyable en me disant, mais si j'y touche, s'il arrive quelque chose, j'avais peur que mes lunettes tombent sur le tableau. Donc, vous voyez, c'était d'abord un réflexe de cet ordre. Ouais. Et puis ensuite, c'est quand même une très très grande émotion de voir que c'est un tableau, que c'est plus une photo, que c'est plus le mythe, mais la réalité. Et de voir des choses qu'évidemment la photo ne peut absolument pas restituer, notamment les couleurs, qui ne sont pas si jaunes que ça, loin de là. Et surtout, c'est un tableau dans un état absolument parfait. Et, c'est stupéfiant tant de siècles après. Et un petit mot quand même pour nous dire, le génie de ce tableau, il est où? Le génie, c'est l'extraordinaire perfection du travail, l'extraordinaire raffinement de la technique. Au-delà, c'est ce qui m'avait intéressé au départ, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces recherches, comment a-t-il fait? On a l'impression, quand on voit la Joconde, qu'on pourrait mettre le bras derrière sa tête pour aller vers le paysage, tellement il y a un volume stupéfiant. Ouais. Et il y a un charme qui se dégage et le sentiment qu'on est vraiment devant autre chose jamais vue ailleurs. Ouais. Un dernier petit mot sur ce que représente la peinture au-delà de la Joconde, de la scène, ce que représente plus généralement la peinture pour Vinci. On y revient dans un instant, vous et moi, Jacques Franck, mais d'abord on écoute à ce propos l'historien de l'art Daniel Arras qui nous parle un peu de ce que représente la peinture à l'époque de Léonard, extrait de l'émission Une vie, une œuvre, diffusée à France Culture en 1992. Eh bien, il participe donc entièrement de ce mouvement qui mène la peinture de la Renaissance à sa perfection, qui est l'idée que la peinture est la synthèse de possibilités, de démonstrations qu'a l'homme de sa connaissance du monde et de la maîtrise qu'il a sur le monde. En donnant une image « vraie » entre guillemets du monde, eh bien le monde l'homme démontre qu'il connaît et donc maîtrise le monde, et qu'en tant que tel, il est bien au centre du monde, la créature privilégiée de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais oublier, pour Léonard ça serait compliqué, mais on ne peut jamais oublier bien sûr que dans le contexte général de la fin du XVe siècle, Dieu est toujours et partout présent. Alors qu'est-ce que ça représente pour lui, pour Vinci, que représente la peinture, Jacques Franck? Un mode supérieur de la connaissance. Là, je pense que je rejoins tout à fait Daniel Arras sur cette question, c'est-à-dire que c'est la peinture est le plus intelligent des arts parce qu'il embrasse quasiment la totalité de l'univers et de la possibilité de sa représentation, du moins sur un mode illusoire qu'est la peinture. Mmh. Et pour arriver à reproduire avec exactitude l'univers, c'est-à-dire quasiment photographiquement, il faut qu'il y ait une intelligence qui comprenne ce qu'est la nature et puisse la reproduire. Donc, un autre historien de l'art a dit, je n'ai plus mémorisé son nom, a dit c'est un mode actif de la connaissance. Ouais. Le temps file rapidement, mais Vinci, c'est évidemment au-delà du grand peintre, cet inventeur, ce scientifique aussi. On va s'attaquer brièvement à cette dimension scientifique de l'homme. On écoute d'abord l'astrophysicien Hubert Reeves parler de Vinci, l'homme de science, à l'émission de France Culture, Une vie, une œuvre, à nouveau. Par exemple, sa notion du soleil, le soleil qui d'une part est le centre de l'univers, et il dit, il y a des gens qui adorent les hommes alors qu'il faudrait adorer le soleil. Il dit ailleurs, le soleil émet de l'énergie, mais cette énergie qui l'émet ne l'épuise pas, le soleil est inépuisable. Il a une notion tout à fait aristotélicienne, le soleil est la perfection, le soleil est inépuisable. Bon, il a fait, comme j'ai dit, quelques avancées, mais on ne peut vraiment pas le considérer comme un grand précurseur en astronomie. Quelques points intéressants. La lumière cendrée, la séquence des couleurs de l'arc-en-ciel, tout cela, mais enfin, ça reste quand même bien... On n'est pas encore dans le vrai mouvement de la puissance de la pensée scientifique qui va commencer avec la séquence Tycho Brahe, Copernic, Galilée, Kepler, Newton. C'est pas encore tout à fait démarré. Alors, quel genre de scientifique est Vinci, Jacques Franck? On entendait Hubert Reeves parler de Copernic dans cet extrait. Ce sera l'un de ses contemporains, Copernic. Comment il se compare, par exemple, sur le plan scientifique, Vinci, à Copernic ou ses autres contemporains? Ben, Vinci est quelqu'un, d'abord, qui a beaucoup lu. Il possède un nombre important de livres assez rares à l'époque que l'on connaît, notamment toutes les transcriptions arabes des textes grecs. Et il s'intéresse principalement, évidemment, en tant que peintre, au phénomène de la lumière. Donc je dirais que, pour synthétiser les choses et les ramener à quelque chose de très simple, c'est un physicien de la lumière qui peint. Alors effectivement, les notions de l'époque sont très, par rapport à ce que dit M. Reeves, très sommaires. Mais le génie de Léonard, et ça a été dit quand même par des scientifiques actuels, a été de son rôle dans la progression de l'esprit scientifique qui passe par la démonstration. Léonard observe. Et ensuite, il observe les phénomènes, il les décrit, et ensuite, il explique ce qu'il peut expliquer, ouais. Mais il ne conclut pas, parce qu'il sait très bien que dans la science, on découvrira toujours quelque chose qui va infirmer ou qui complétera ce qui a été découvert aujourd'hui. Ouais. Donc, il ne se prononce pas nécessairement, et cet esprit scientifique de démonstration est quelque chose qui est déjà très important. Évidemment, il embrasse des tas de domaines, hein, autres que celui dont on vient de parler. Ouais, il pose des jalons. Est-ce que sa grande force, au fond, sur le plan scientifique, c'est pas cette capacité de se projeter dans le temps, de voir ce qui viendra plus tard. Je pense à ses dessins, il a fait plein de dessins, mais d'anticiper le futur, au fond, je pense aux machines à voler, mais il a ça en lui, cette capacité de se projeter dans l'avenir, non? Oui, et puis on a l'impression qu'il a... Bien sûr qu'il en a. On a l'impression qu'il n'est pas corseté par les limites... de son temps. Et je me demande si justement ça n'est pas dû au fait qu'il n'a pas reçu une formation académique. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, son esprit est libre. Ouais. Et on sent bien que Léonard est un homme qui raisonne de façon très libre. Ouais. Il va terminer ses jours en France. Il se retrouve au service du roi François Ier. Comment vont se passer les dernières années de sa vie? De façon, je dirais, sereine, parce qu'il a été quand même dans une inquiétude. Il était toujours dépendant de mécènes, en quelque sorte, et des puissants, qui eux-mêmes pouvaient disparaître, ce qui est arrivé donc avec Ludovic Sforza, ce qui est arrivé à Louis XII, ce qui est arrivé à Charles d'Amboise. Donc ils sont morts et puis ils ont cessé de protéger Léonard. Là, c'est un jeune roi qui est très épris d'art, qui est cultivé, très ouvert et puis très admirateur de Léonard. Donc il va lui faire en quelque sorte un pont d'or. Il va lui offrir la sécurité, si je peux dire. Cette sécurité dont Léonard a absolument besoin pour pouvoir faire ses recherches librement et sans contrainte. Ouais. Ça, c'est ce qu'il va faire donc pendant les 2 ans où il sera reçu par le roi dans ce qui est aujourd'hui le Clos Lucé, qui s'appelle le château de Clos à l'époque. Ouais. Et il va servir, il sera à la fois courtisan, aura des conversations fréquentes avec le roi qui viendra le retrouver. Évidemment, il fera des projets d'architecture pour le roi. Ouais. Et puis, évidemment, il ne s'imagine pas qu'il va mourir quand même assez rapidement. Mais en même temps, c'est une vie heureuse qu'il a, à mon avis, à ce moment-là. Un petit mot sur son héritage, si c'est possible d'en parler en quelques secondes, mais donnez-nous un exemple ou deux pour terminer cette émission de ce qu'il nous laisse. Quand vous pensez à Vinci, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête en matière et en termes d'héritage? En termes d'héritage, au fond, c'est de montrer que dans la dimension humaine, il y a une dimension bien supérieure à ce que l'on peut imaginer, que l'on peut atteindre, certains hommes peuvent atteindre le génie absolu et dépasser leur temps. Oui. Et dans les domaines tellement diversifiés que ça laisse carrément admiratif ou pantois. Absolument. Ouais. Absolument. Pour la peinture, c'est un peintre qui dépasse son temps. Ses successeurs, c'est Raphaël et Michel-Ange, rien de moins. Ouais. Et je dirais même que les choses qu'il projette et toutes les voies qu'il ouvre permettront effectivement d'arriver à des gens comme Cézanne. Donc, évidemment, par différents cheminements. Mais c'est une leçon qui montre que c'est un profond visionnaire qui semble comprendre le phénomène naturel du monde qui l'entoure, quasiment depuis la source jusqu'à sa fin ultime, en quelque sorte. On a l'impression qu'il est une intelligence qui embrasse la totalité de tout ce qui vit. Jacques Franck, historien de l'art, spécialiste de Léonard de Vinci, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir à nos micros. Merci beaucoup, M. Franck. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alexandre Bélanger. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.